Le chemin de la perfection. Thérèse de Jésus. Lecture en synthèse vocale, markendanwordpress.com, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 16. De l'humilité. De la contemplation. Que Dieu en donne tout d'un coup à certaines âmes une connaissance passagère. De l'application continuelle que l'on doit à Dieu. Qu'il faut aspirer à ce qui est le plus parfait. De l'humilité. Ne vous imaginez pas, mes filles, que je sois déjà entré fort avant dans ce discours, puisque je ne fais encore, comme l'on dit d'ordinaire, que de préparer le jeu. Vous m'avez prié de vous instruire du commencement de l'oraison, et j'avoue que je n'en sais point d'autre que la pratique de ces vertus, quoique Dieu ne m'ait pas conduit par celui-ci, puisque je n'ai pas même le commencement des dispositions saintes dont j'ai parlé. Ainsi vous avez sujet de croire, pour continuer à me servir de la comparaison du jeu des échecs, que celle qui ne sait pas seulement arranger les pièces ne peut bien jouer ni gagner la partie. Que si vous trouvez étrange que je vous parle d'un jeu que l'on ignore, et que l'on doit ignorer dans cette maison, jugez par laquelle personne Dieu vous a donné pour mère, puisque j'ai même su autrefois une chose si vaine et si inutile, on dit néanmoins que ce jeu est permis en quelques occasions. Et combien nous serait-il non seulement permis, mais avantageux de l'imiter en quelque sorte. En pratiquant les vertus avec tant d'ardeur, que ce divin roi put être réduit en peu de temps à ne pouvoir, ni à ne vouloir plus s'échapper de nos mains. La dame est celle de toutes les pièces qui lui fait le plus la guerre, les autres ne faisant que la soutenir, et, dans la guerre sainte dont je veux parler, l'humilité est cette dame qui le presse le plus de se rendre, c'est elle qui l'a tiré du ciel pour le faire descendre dans le sein de la Sainte Vierge, et c'est par elle que nous pouvons, avec un seul de nos cheveux, comme dit l'époux dans le cantique, le tirer à nous pour le faire venir dans nos âmes. Ainsi ne doutez point, mes filles, qu'à proportion de votre humilité, vous ne possédiez plus ou moins cette majesté infinie, car j'avoue ne pouvoir comprendre qu'il y ait de l'humilité sans amour, non plus que de l'amour sans humilité, ni que l'on arrive à la perfection de ces deux vertus sans entrer dans un grand détachement de toutes les choses créées. Que si vous me demandez pourquoi je vous parle des vertus, puisque vous avez tant de livres qui en traitent, et que vous ne désirez apprendre de moi que ce qui regarde la contemplation, je réponds que si vous eussiez voulu que je vous parlasse de la méditation, je l'aurais pu faire et vous conseiller à toutes de la pratiquer, quand même vous n'auriez pas les vertus, parce que c'est par là qu'il faut commencer afin de les acquérir. Parce que cela est important à la vie de l'âme, et parce qu'il n'y a point de chrétien, quelque grand pécheur qu'il puisse être, qui manque dans les heures de la sorte, lorsque Dieu lui ouvre les yeux pour le rendre capable d'un si grand bonheur. Je l'ai déjà écrit ailleurs après plusieurs autres, qui savent aussi bien que moi ce qu'ils disent, comme il est certain que je l'ignore, mais il suffit que Dieu le sache. De la contemplation. La contemplation, mes filles, est une chose différente de ce que je viens de dire, et c'est en quoi l'on se trompe, car, lorsqu'une personne donne quelque temps, chaque jour, à penser à ses péchés, ce que tout chrétien doit faire, à moins de ne l'être que de nom, on dit aussitôt que c'est un grand contemplatif, et l'on veut qu'il ait toutes les vertus que doivent avoir ceux qui le sont véritablement, lui-même. Plus que nul autre, le prétend aussi, mais c'est errer dans les principes, c'est ne savoir pas seulement arranger son jeu, et c'est croire qu'il suffit de connaître les pièces pour pouvoir donner échec et mat. Cela, mes filles, ne va pas ainsi, car ce roi de gloire ne se rend, et ne se donne qu'à celui qui se donne tout entier à lui. Ainsi, si vous désirez que je vous montre le chemin qui mène à la contemplation, souffrez que je m'étende un peu sur ce sujet, quoique les choses que je vous dirai ne vous paraissent pas d'abord fort importantes, puisqu'à mon avis elles le sont. Que si vous ne les voulez pas entendre ni les pratiquer, demeurez donc durant toute votre vie avec votre raison mentale, car je vous assure, avec tous ceux qui aspirent à ce bonheur, que vous n'arriverez jamais à la véritable contemplation. Il se peut faire néanmoins que je me trompe, parce que je juge des autres par moi-même qui ai travaillé durant 20 ans pour l'acquérir. Comme quelques-unes de vous ne savent ce que c'est que raison mentale, je veux maintenant vous en parler, et Dieu veuille que nous la pratiquions, aussi bien qu'elle doit l'être, mais je crains que nous n'ayons beaucoup de peine à en venir à bout, si nous ne travaillons pour acquérir les vertus, quoique non pas à un si haut degré, qu'il est besoin de les avoir pour arriver jusqu'à la contemplation. Je dis donc que le roi de gloire ne viendra jamais dans nos âmes jusqu'à s'unir avec elle, si nous ne nous efforçons d'acquérir les grandes vertus, sur quoi je m'explique, parce que si vous me surpreniez à vous dire quelque chose qui ne fût pas véritable, vous ne me croiriez plus en rien, et vous auriez raison si je le faisais à dessein, mais Dieu me garde de tomber dans une si grande faute, si cela m'arrive ce ne sera que manque d'intelligence. Ce que je veux dire est donc que Dieu fait quelquefois une grande faveur à des personnes qui sont en mauvais état en les élevant jusqu'à la contemplation, afin de les retirer par ce moyen d'entre les mains du démon. Ô mon Sauveur, combien de fois vous engageons-nous d'en venir aux mains avec lui, et ne vous suffit-il pas que, pour nous apprendre à le vaincre, vous ayez bien voulu souffrir, qu'il vous ait pris entre ses bras, quand il vous porta sur le haut du temple? Quel spectacle ce fut alors, mes filles, de voir le soleil de justice enfermé par les ténèbres, et quelle dut être la terreur de cet esprit malheureux. Quoiqu'il ignorât quel était celui qu'il portait, parce que Dieu ne lui permit pas de le connaître. Pouvons-nous trop admirer une si grande bonté, et une si grande miséricorde, et quelle honte ne doivent point avoir les chrétiens de l'engager tous les jours à lutter encore avec un monstre si horrible? Certes, mon Dieu, vous aviez besoin pour le vaincre d'une aussi grande force qu'est la vôtre. Mais comment n'avez-vous point été affaibli par tant de tourments, que vous avez souffert sur la croix? Ou qu'il est bien vrai que l'amour répare tout ce qu'il fait souffrir, et ainsi je crois, mon Sauveur, que si vous eussiez voulu survivre à vos tourments et à vos douleurs, le même amour qui vous les fit endurer aurait, sans nul autre remède, refermé vos plaies. Ô mon Dieu, si je pouvais avoir ce même amour dans toutes les choses qui causent de la peine et de la douleur, que je souhaiterais de bon cœur toutes les souffrances, étant assuré d'être guéri de mes maux par un remède si divin et si salutaire. Mais, pour revenir à ce que je disais, il y a certaines âmes que Dieu, connaissant qu'il peut ramener par ce moyen, quoiqu'elles soient entièrement abandonnées au péché, ne veut pas qu'il tienne à lui de leur faire cette grâce. Ainsi, bien qu'elles soient en mauvais état et dénuées de toute vertu, il leur fait sentir des douceurs, des consolations et des tendresses, qui commencent à émouvoir leurs désirs, et quelquefois même, mais rarement, il les fait entrer dans une contemplation qui dure peu, afin d'éprouver, comme j'ai dit, si ses faveurs les disposeront à s'approcher souvent de lui, que si elles ne les portent pas à le désirer, elles me pardonneront. Ou pour mieux dire, vous me pardonnerez, s'il vous plaît, mon Dieu, si j'ose croire qu'il n'y a guère de plus grand malheur, que lorsqu'après que vous avez fait l'honneur à une âme de vous approcher ainsi d'elle, elle vous quitte pour se rapprocher des choses de la terre et s'y attacher. Je crois qu'il y a plusieurs personnes que Dieu éprouve de cette manière, et que peu se disposent à jouir d'une si grande faveur, mais pourvu qu'ils ne tiennent pas à nous, que nous n'en tirions de l'avantage, je tiens pour certain qu'ils ne cessent point de nous assister jusqu'à ce que nous arrivions à une plus grande perfection, au lieu que, quand nous ne nous donnons pas à lui aussi pleinement qu'il se donne à nous. C'est beaucoup qui nous laissent dans leur raison mentale, et nous visitent de temps en temps, ainsi que des serviteurs qui travaillent à sa vigne, car, quant aux autres, ce sont ses enfants bien-aimés qui ne perdent, et ne veulent jamais perdre de vue, non plus que s'éloigner de lui. Il les fait asseoir à sa table, et les nourrit des mêmes viandes dont il se nourrit lui-même. Quel bonheur, mes filles, de n'avoir point d'autre soin, que de se rendre digne d'une si grande faveur. Ô bienheureux abandonnement de toutes les choses basses et méprisables, qui nous élèvent si haut. Quand tout le monde ensemble parlerait à notre désavantage, quel mal pourrait-il nous en arriver, étant en la protection et comme entre les bras de Dieu? Puisqu'il est tout-puissant, il n'y a pas de mot dont il ne soit capable de nous délivrer. Une seule de ses paroles a créé le monde, et vouloir et faire ne sont en lui qu'une même chose. Ne craignez donc point, si vous l'aimez, qu'il permette que l'on parle contre vous, que pour votre plus grande utilité, il aime trop ceux qu'il aime pour un user d'une autre sorte, et pourquoi donc ne lui témoignerions-nous pas, tout l'amour qui sera en notre pouvoir? Considérez, je vous prie, quel heureux échange c'est pour nous de lui donner notre cœur pour avoir le sien, lui qui peut tout et nous qui ne pouvons rien, sinon ce qui nous fait pouvoir. Qu'est-ce donc, nous faisons pour vous, ô mon Dieu, qui faites que nous sommes tout ce que nous sommes, puisque nous ne devons considérer, que comme un néant cette faible résolution, que nous avons prise de vous servir? Que si toutefois, mes sœurs, sa souveraine majesté veut que nous achetions tout de lui, en lui donnant le rien que nous sommes, ne soyons pas si folles que de refuser une si grande faveur. Tout notre mal vient, mon Dieu, de n'avoir pas toujours les yeux arrêtés sur vous, car nous arriverions bientôt où nous prétendons aller, si nous ne détournions point nos yeux de dessus vous, qui êtes la voie et le chemin, comme vous nous l'avez dit. Mais parce que nous n'avons pas cette attention, nous bronchons, nous tombons, nous retombons et enfin nous nous égarons, parce que, je le répète encore, nous n'avons pas soin d'arrêter sans cesse, notre vue sur ce chemin véritable par lequel nous devons marcher. En vérité, c'est une chose déplorable que la manière, dont cela se passe quelquefois, il semble que nous ne soyons pas chrétiens, et que nous n'ayons jamais lu la passion de notre Seigneur, car, si l'on nous méprise en la moindre chose, on ne peut le souffrir, on le trouve insupportable, et on dit aussitôt, nous ne sommes pas des saints. Dieu nous garde, mes filles, lorsque nous tombons dans quelque imperfection, de dire, nous ne sommes pas des saintes, nous ne sommes pas des anges. Considérez qu'encore, qu'il soit vrai que nous ne soyons pas des saintes, il nous est utile de penser que nous pouvons le devenir, pourvu que nous fassions tous nos efforts, et que Dieu veuille nous tendre les bras, sur quoi nous ne devons point craindre qu'il tienne à lui, s'il voit qu'il ne tient pas à nous. Puis donc nous ne sommes venus ici à autre dessein, mettons courageusement la main à l'œuvre, et croyons qu'il n'y a rien de si parfait dans son service, que nous ne devions nous promettre d'accomplir par son assistance. Je voudrais de tout mon cœur que cette sorte de présomption, se trouva dans ce monastère, parce qu'elle fait croître l'humilité et donne, une sainte hardiesse qui ne peut être, que très utile à cause que Dieu, qui ne fait exception de personne, assiste toujours ceux qui sont courageux dans son service. J'ai fait une grande digression, et il faut revenir où j'en étais. Il s'agit de savoir ce que c'est que raison mentale, et ce que c'est que contemplation, sur quoi j'avoue qu'il paraît impertinent, que j'entreprenne d'en parler, mais vous recevez si bien tout ce qui vient de moi, qu'il pourra arriver que vous le comprendrez mieux, dans mon style simple et grossier, que dans des livres fort éloquents. Dieu me fasse, s'il lui plaît, la grâce de pouvoir m'en acquitter. Ainsi soit-il. Chapitre 17. Que toutes les âmes ne sont pas propres pour la contemplation. Que quelques-unes y arrivent tard, et que d'autres ne peuvent prier que vocalement, mais que celles qui sont véritablement humbles, doivent se contenter de marcher dans le chemin par lequel il plaît à Dieu de les conduire. De la contemplation. Il semble que j'entre déjà, dans la matière de l'oraison. Mais j'ai auparavant une chose importante à dire touchant l'humilité, si nécessaire en cette maison, puisqu'on doit s'y exercer particulièrement à la prière, et que l'humilité en est l'une des principales parties. Or, comment celui qui est véritablement humble, pourra-t-il jamais s'imaginer d'être aussi bon que ceux qui arrivent jusqu'à être contemplatif? Néanmoins Dieu peut faire, par sa grâce, qu'il soit de ce nombre, mais, s'il me croit, il se mettra toujours au plus bas lieu, comme notre Seigneur nous l'a ordonné et enseigné par son exemple. Que l'âme se dispose donc à marcher dans le chemin de la contemplation, si c'est la volonté de Dieu qu'elle y entre, et si ce ne l'est pas, que l'humilité la porte à se tenir heureuse de servir les servantes du Seigneur, et à bénir sa majesté de ce qu'elle a daigné la faire entrer en leur sainte compagnie, elle qui méritait d'être la compagnie et l'esclave des démons. Je ne dis pas cela sans grande raison, puisqu'il est important de savoir, que Dieu ne conduit pas toutes les personnes d'une même sorte, et que celui qui paraît le plus rabaissé aux yeux des hommes, est peut-être le plus élevé devant ses yeux. Ainsi, quoique les religieuses de ce monastère, s'exercent toutes à l'oraison, il ne s'ensuit pas qu'elles soient toutes contemplatives. Cela est impossible, et ce doit être une grande consolation pour celles qui n'ont pas reçu ce don, de savoir qu'il vient purement de Dieu. Comme c'est une chose qui n'est point nécessaire pour notre salut, et qui ne l'exige point de nous, pour nous récompenser de sa gloire, elles ne doivent pas non plus se persuader, qu'on l'exige d'elles en cette maison, pourvu qu'elles fassent ce que j'ai dit, elles pourront, quoiqu'elles ne soient pas contemplatives, devenir très parfaites et même surpasser les autres en mérite, parce qu'elles auront plus à souffrir. Et que Dieu les traitant comme des âmes fortes et courageuses, il joindra aux Félicies, deux accents aigus est-ce qu'il leur réserve en l'autre vie, les consolations dont elles n'auront pas joui en celle-ci. Qu'elles ne perdent donc point courage, qu'elles n'abandonnent point leur raison, et qu'elles continuent de faire comme les autres, car il arrive quelquefois qu'encore que notre Seigneur, diffère à leur départir ses faveurs, il leur donne tout à la fois, ce qu'il a donné aux autres en plusieurs années. J'ai passé plus de 14 ans sans pouvoir du tout méditer, si ce n'était en lisant. Il y en a plusieurs de cette classe, et il s'en trouve quelques-unes qui ne sauraient méditer même en lisant, ni prier que vocalement, parce que cela les arrête un peu davantage, d'autres ont l'esprit si léger, qu'une seule chose n'est pas capable de les occuper, et elles sont si inquiètes, que lorsqu'elles veulent se contraindre pour arrêter leur pensée en Dieu, elles tombent dans 1000 rêveries, 1000 scrupules et 1000 doutes. Que l'on peut être parfait sans être contemplatif. Je connais une personne fort âgée, fort vertueuse, fort pénitente, grande servante de Dieu, et enfin telle que je m'estimerais heureuse de lui ressembler, qui emploie les jours et les années en des oraisons vocales, sans pouvoir jamais faire l'oraison mentale. Le plus qu'elle puisse faire est de s'occuper dans ses oraisons vocales, en n'en prononçant que peu à la fois. Il s'en rencontre plusieurs autres qui sont de même, mais, pourvu qu'elles soient humbles, je crois qu'à la fin elles trouveront aussi bien leur compte que celles qui ont de grands sentiments, et de grandes consolations dans l'oraison, et peut-être même avec plus d'assurance, en quelque sorte, parce qu'il y a sujet de douter, si ces consolations viennent de Dieu ou procèdent du démon, et que si elles ne sont pas de Dieu. Elles sont fort périlleuses, à cause que le démon s'en sert pour nous donner de la vanité, au lieu que si elles viennent de Dieu, il n'y a rien du tout à craindre, puisqu'elles seront toujours accompagnées d'humilité, ainsi que je l'ai écrit fort amplement dans un autre traité. Comme celles qui ne goûtent point ces consolations craignent que ce soit par leur faute. Elles demeurent dans l'humilité, et prennent un soin continuel de s'avancer. Si elles voient jeter aux autres, une seule larme sans pouvoir en répandre elles-mêmes, elles s'imaginent qu'elles ne peuvent les suivre, que de fort loin dans le service de Dieu. Mais peut-être elles les précèdent, puisque les larmes, bien que bonnes, ne sont pas toutes parfaites, et qu'ils se rencontrent toujours plus de sûreté dans l'humilité, la mortification, le détachement et l'exercice des entre-vertus. Pourvu donc que vous les pratiquiez, n'appréhendez point de ne pas arriver à la perfection, aussi bien que les plus contemplatives. Marthe n'était-elle pas une sainte, quoique l'on ne dise point qu'elle fût contemplative? Et que souhaitez-vous davantage, que de pouvoir ressembler à cette bienheureuse fille, qui mérita de recevoir tant de fois notre Seigneur Jésus-Christ dans sa maison, de lui donner à manger, de le servir, et de s'asseoir à sa table? Que si elle eût toujours été, ainsi que sa sœur, dans des transports, et Commode elle-même, qui aurait pris soin de ce divin hôte? Considérez que cette maison est la maison de Sainte Marthe, et qu'il doit y avoir quelque chose aussi bien de Marthe que de Madeleine. Que celle que Dieu conduit par le chemin de la vie hâtive, se garde donc bien de murmurer d'en voir d'autres toutes plongées dans la vie contemplative, puisqu'elles ne doivent point douter, que notre Seigneur ne prenne leur défense contre ceux qui les accusent. Mais quand même il ne parlerait point pour elles, elles devraient demeurer en paix, comme ayant reçu de lui la grâce de s'oublier elles-mêmes, et toutes les choses c'est. Qu'elles se souviennent qu'il est besoin, que quelqu'un les soigne de lui apprêter à manger, et s'estime heureuse de le servir avec Sainte Marthe. Qu'elle considère que la véritable humilité, consiste principalement à se soumettre sans peine à tout, ce que notre Seigneur ordonne de nous, et à nous estimer indignes de porter le nom de ses servantes. Ainsi, soit que l'on s'applique à la contemplation, soit que l'on fasse l'oraison mentale ou vocale, soit que l'on assiste les malades, ou soit que l'on s'emploie aux offices de la maison, et même dans les plus bas et les plus vils, puisque toutes ces choses sont agréables à ce divin hôte, qui vient loger, manger, et se reposer chez nous, que nous importe de nous acquitter de nos devoirs envers lui plutôt d'une manière que d'une autre? Néanmoins je ne dis pas qu'ils doivent tenir à vous, que vous n'arriviez à la contemplation, je dis, au contraire que vous devez faire tous vos efforts pour y arriver, mais en reconnaissant que cela dépend de la seule volonté de Dieu, et non pas de votre choix. Car, si après que vous aurez servi durant plusieurs années dans un même office, il veut que vous y demeuriez encore, ne serait-ce pas une plaisante humilité, que de vouloir passer à un autre? Laissez le maître de la maison ordonner tout comme il lui plaît, il est tout sage, il est tout puissant, il sait ce qui vous est le plus propre, et ce qui lui est le plus agréable. Assurez-vous que si vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, et vous préparez à la contemplation d'une manière aussi parfaite, que celle que je vous ai proposée, c'est-à-dire avec un entier détachement et une véritable humilité, ou notre Seigneur vous la donnera, comme je le crois, ou s'il ne vous la donne pas, c'est parce qu'il se réserve de vous la donner dans le ciel avec toutes les autres vertus, et qu'il vous traite comme des âmes fortes et généreuses, en vous faisant porter la croix ici-bas, ainsi que lui-même l'a toujours portée, lorsqu'il a été dans le monde. Cela étant, quelle plus grande marque peut-il vous donner de son amour, que de vouloir ainsi pour vous ce qu'il a voulu pour lui-même, et ne se pourrait-il pas bien faire, que la contemplation ne vous serait pas si avantageuse que de demeurer comme vous êtes? Ce sont des jugements qu'il se réserve, et qu'il ne nous appartient pas de pénétrer. Il nous est même utile que cela ne dépende point de notre choix, puisque nous voudrions être aussitôt de grandes contemplatives, parce que nous nous imaginons, qu'il s'y rencontre plus de douceur et plus de repos. Quel avantage pour nous de ne pas rechercher nos avantages, puisque nous ne saurions craindre de perdre, ce que nous n'avons point désiré, et notre Seigneur ne permet jamais, que celui qui a véritablement mortifié son esprit pour l'assujettir au sien, ne perde que pour gagner davantage. Chapitre 18. Des souffrances des contemplatifs. Qu'il faut toujours se tenir prêt à exécuter les ordres de Dieu, et du mérite de l'obéissance. Des souffrances des contemplatifs. Je dirai donc, mes filles, à celles de vous que Dieu ne conduit pas, par le chemin de la contemplation, que selon que je l'ai vu et appris de ceux qui marchent dans cette voie, ils ne portent pas des croix moins pesantes que les vôtres, et vous seriez épouvantés si vous voyez la manière dont Dieu les traite. Je puis parler de ces deux états, et je sais très assurément que les travaux, dont Dieu exerce les contemplatifs sont si rudes, qu'il leur serait impossible de les supporter, sans les consolations qu'ils mêlent. Car, étant visible que Dieu conduit par le chemin des travaux ceux qu'il aime, et qu'il les fait d'autant plus souffrir qu'il les aime davantage, je sais très certainement que, comme il loue de sa propre bouche les contemplatifs, et qu'il les tient pour ses amis, il les fait aussi plus souffrir que les autres. Ce serait une folie de s'imaginer, qu'il honora d'une amitié particulière des personnes qui vivraient dans le relâchement, sans souffrir aucune peine. Ainsi, comme il mène les contemplatifs par un chemin si après si rude, qu'ils croient quelquefois d'être égarés et obligés de recommencer, ils ont besoin de recevoir de sa bonté quelques rafraîchissements pour les soutenir. Or ce rafraîchissement ne doit pas être seulement de l'eau, mais un vin fort et puissant, afin qu'en étant divinement enivrés, ils souffrent courageusement, et sans penser même à ce qu'ils souffrent. Ainsi, je vois peu de véritables contemplatifs, qui ne soient fort courageux et fort résolus à souffrir, parce que la première chose que notre Seigneur fait en eux, lorsqu'il les voit faibles, est de leur donner du courage, et de leur ôter l'appréhension des travaux. Je m'imagine que pour peu que ceux qui sont dans la vie, activent les voies favorisées de Dieu, ils se persuadent qu'il n'y a dans cet état de contemplation, que toutes sortes de douceurs et de délices, et moi je vous assure, au contraire, que peut-être ne pourraient-ils souffrir durant un seul jour, quelques-unes des peines qu'ils endurent. Mais comme Dieu voit le fond des cœurs, il donne à chacun ce qu'il sait être le plus capable de les faire avancer dans son service, dans le chemin de son salut et dans la charité du prochain. Ainsi, pourvu que vous ne manquez point de votre côté à vous y disposer, vous n'avez nul sujet de craindre que votre travail soit inutile. Qu'il faut toujours être prêt d'obéir à Dieu. Pesez bien, mes sœurs, ce que je dis que nous devons toutes travailler à nous y disposer, puisque nous ne sommes assemblés ici que pour ce sujet, et non seulement y travailler durant un an ou durant 10 ans, mais durant toute notre vie, pour faire voir à notre Seigneur que nous ne sommes pas si lâches que de l'abandonner, et que nous imitons ces braves soldats qui, bien qu'ayant longtemps servi, sont néanmoins toujours prêts d'exécuter les commandements de leur capitaine, sachant qu'il ne les laissera pas sans récompense. Or, mes filles, qu'est-ce que la solde que donnent les rois de la terre, en comparaison de celle que nous devons attendre de ce roi du ciel, que nous avons le bonheur d'avoir pour maître? C'est un capitaine incomparable, qui étant lui-même témoin des actions généreuses de ses soldats, connaît le mérite de chacun d'eux, et leur donne des charges et des emplois, selon qu'il les en juge dignes. Ainsi, mes sœurs, il faut que celles d'entre vous qui ne peuvent faire l'oraison mentale, fassent la vocale, ou quelques lectures, ou s'entretiennent avec Dieu en la manière que je le dirai, mais sans manquer aux heures de l'oraison, puisque vous ne savez pas quand votre divin époux vous emploiera, et qu'autrement vous mériteriez d'être traitées, comme ces vierges folles dont il est parlé dans l'Évangile. Que savez-vous aussi s'il ne voudra point vous engager dans un grand travail pour son service, en vous le faisant trouver doux par les consolations qu'il y mêlera? Que s'il ne le fait, vous devez croire qu'il ne vous y appelle pas, et qu'un autre vous est plus propre. En se conduisant de la sorte, on acquiert du mérite par le moyen de l'humilité, et l'on croit sincèrement n'être pas même propre à ce que l'on fait, sans que cela empêche, comme je l'ai dit, d'obéir avec joie à ce que l'on nous commande. Que si cette humilité est véritable, oh, que de telles servantes de la vie active seront heureuses, puisqu'elles ne trouveront à redire à rien qu'à ce qu'elles font. Qu'elles laissent donc les autres dans la guerre où elles se trouveront engagées, qui ne saurait être que très rude. Car encore que dans les batailles, les enseignes ne combattent point, ils ne laissent pas que d'être en très grand péril, et plus grand même que tous les autres, à cause que portant toujours leur drapeau, et devant plutôt souffrir d'être mis en pièces que de l'abandonner jamais, ils ne sauraient se défendre. Or, les contemplatifs doivent de même porter tous les jours l'étendard de l'humilité, et demeurer exposés à tous les coups qu'on leur donne, sans en rendre aucun, parce que leur devoir est de s'offrir, à l'imitation de Jésus-Christ, et de tenir toujours la croix élevée, sans que les dangers où ils se trouvent, quelque grands qu'ils puissent être, la leur fassent abandonner, témoignant ainsi par leur courage qu'ils sont dignes d'un emploi aussi honorable qu'est celui où Dieu les appelle. Qu'ils prennent donc bien garde à ce qu'ils feront, puisque, comme il ne s'agit rien moins que de la perte d'une bataille, lorsque les enseignes abandonnent leur drapeau, À cause que cela fait perdre cœur aux soldats, je crois de même que les personnes qui ne sont pas encore fort avancées dans la vertu se découragent, quand elles voient que ceux qu'elles considéraient comme étant les amis de Dieu, et comme leur devant ouvrir le chemin à la vie de poire, ne font pas des actions conformes au rang qu'ils tiennent. Les simples soldats s'échappent le mieux qu'ils peuvent et lâchent quelquefois le pied par l'appréhension de la grandeur du péril, sans que personne y prenne garde, ni qu'ils en soient déshonorés. Mais quant aux officiers, chacun ayant les yeux arrêtés sur eux, ils ne sauraient faire un pas en arrière qu'on ne le remarque. Plus leurs charges sont considérables, plus l'honneur qu'ils y peuvent acquérir est grand, et plus ils sont obligés au roi de la faveur qu'il leur a faite de les leur donner, et leur obéir. L'obligation est d'autant plus grande de s'en acquitter dignement. Puis donc, mes sœurs, que notre ignorance est telle, que nous ne savons si ce que nous demandons nous est utile, laissons faire Dieu, qui nous connaît beaucoup mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. L'humilité consiste à se contenter de ce qu'il nous donne, et c'est une assez plaisante manière de la pratiquer, que de lui demander des faveurs, ainsi que font certaines personnes, comme s'il était obligé par justice de ne pas leur refuser. Mais parce qu'il pénètre le fond des cœurs, il leur accorde rarement ses grâces, à cause qu'il ne les voit point disposés à vouloir boire son calice. C'est pourquoi, mes filles, la marque de votre avancement dans la vertu, sera si chacune de vous se croit tellement la plus mauvaise de toutes, que ses actions fassent connaître aux autres, pour leur bien et pour leur édification, qu'elle a vraiment ce sentiment dans le cœur, et non pas si elle a plus de douceur dans l'oraison, plus de ravissement, plus de vision et autres faveurs de cette nature que Dieu fait aux âmes que UND il lui plaît. Car nous ne connaîtrons la valeur de ces biens qu'en l'autre monde, mais l'humilité est une monnaie qui a toujours cours, un revenu assuré et une rente non rachetable, au lieu que le reste est comme de l'argent que l'on nous prête pour quelque temps, et que l'on peut nous redemander. Est-ce une humilité solide, une véritable mortification et une grande obéissance, que de manquer en quoi que ce soit à ce que votre supérieur vous ordonne, puisque vous savez certainement que, tenant comme il fait à votre égard la place de Dieu, c'est Dieu même qui vous commande ce qu'il vous commande? Du mérite de l'obéissance. C'est de cette vertu de l'obéissance que j'aurai le plus à vous entretenir. Mais parce qu'il me semble que ne l'avoir pas, c'est n'être pas religieuse, et que je parle à des religieuses qui, à mon avis, sont bonnes ou désirent de l'être, je me contenterai de vous dire un mot d'une vertu si connue et si importante, afin de la graver encore davantage dans votre mémoire. Je dis donc que celle qui se trouve soumise par un vœu à l'obéissance, et qui y manque faute d'apporter tout le soin qui dépend d'elle pour l'accomplir le plus parfaitement qu'elle peut, demeure en vain dans cette maison. Je l'assure hardiment que tant qu'elle y manquera, elle n'arrivera jamais ni à être contemplative, ni même à se bien acquitter des devoirs de la vie active. Cela me paraît indubitable, et quand même ce serait une personne qui n'aurait point fait de vœux, si elle prétend arriver à la contemplation, elle doit se résoudre fortement à soumettre sa volonté à la conduite d'un confesseur, qui soit lui-même contemplatif, puisqu'il est saint certain que l'on n'avance plus de cette sorte en un an que l'on ne ferait autrement en plusieurs années. Mais comme c'est un avis qui ne vous regarde point, il serait inutile de vous en parler davantage. Ce sont donc là, mes filles, les vertus que je vous souhaite, et que vous devez tâcher d'acquérir, et pour lesquelles vous devez concevoir une sainte envie. Quant à ces autres dévotions, si vous ne les avez pas, ne vous en mettez point en peine, puisqu'elles sont incertaines, et qu'il pourrait arriver que venant de Dieu en d'autres personnes, il permettrait qu'elles ne seraient en vous que des illusions du démon, qui vous tromperait ainsi qu'il en a trompé beaucoup d'autres. Pourquoi vous mettre tant en peine de servir Dieu dans une chose douteuse, puisque vous le pouvez servir en tant d'autres qui sont assurés? Et qui vous oblige à vous engager dans ce péril? Je me suis beaucoup étendu sur ce sujet, et je l'ai jugé nécessaire, parce que je connais la faiblesse de notre nature, mais Dieu la fortifie lorsqu'il lui plaît d'élever une âme à la contemplation. Quant à ceux à qui il ne veut pas faire cette grâce, j'ai cru leur devoir donner ces avis, dans lesquels même les contemplatifs pourront trouver sujet de s'humilier. Je prie notre Seigneur de nous accorder, par son infinie bonté, la lumière qui nous est nécessaire pour accomplir en tout ses volontés, et ainsi nous aurons sujet de ne rien craindre. Chapitre 19. De l'oraison qui se fait en méditant. De ceux dont l'esprit s'égare dans l'oraison. La contemplation est comme une source d'eau vive. Trois propriétés de l'eau comparées aux effets de l'union de l'âme avec Dieu dans la contemplation. Que cette union est quelquefois, telle qu'elle cause la mort du corps. Ce qu'il faut tâcher de faire en ces rencontres. De l'oraison mentale. Il s'est passé tant de jours depuis ce que j'ai dit ci-dessus, sans que j'aie pu trouver le temps de continuer, qu'à moins que de le relire, je ne saurais dire où j'en étais. Mais pour ne perdre point de temps à cela, il ira comme il pourra, sans ordre et sans suite. Il y a tant de bons livres, faits par des personnes savantes et propres pour des esprits non distraits ni dissipés, et pour des âmes exercées dans la méditation, et qui peuvent se recueillir au-dedans d'elles-mêmes, que vous n'avez pas sujet de faire cas de ce que je pourrais vous dire touchant l'oraison. Vous trouverez excellemment écrit dans ces livres de quelle sorte, il faut méditer durant chaque jour de la semaine sur quelques mystères de la vie et de la passion de notre Sauveur, sur le jugement dernier, sur l'enfer, sur notre néant, sur les obligations infinies, dont nous sommes redevables à Dieu, et sur la manière dont on doit agir dans le commencement et dans la fin de l'oraison. Ceux qui sont accoutumés à cette sorte d'oraison, n'ont rien à désirer davantage, puisque notre Seigneur ne manquera pas de les conduire par ce chemin à sa divine lumière, et que la fin répondra sans doute à un si bon commencement, ils n'ont donc qu'à y marcher sans crainte, lorsqu'ils verront que leur entendement, est attaché à des méditations si utiles. Mais mon dessein est de donner quelques remèdes aux âmes, qui ne sont pas dans cette disposition, si Dieu me fait la grâce d'y réussir, ou au moins de vous faire voir qu'il y a plusieurs personnes en cette peine, afin que vous ne vous affligiez point, si vous vous trouvez être de ce nombre. Il y a certains esprits si déréglés, qu'ils sont comme ces chevaux qui ont la bouche égarée, ils vont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et toujours avec inquiétude, sans qu'on puisse les arrêter, soit que cela procède de leur naturel, ou que Dieu le permette de la sorte. J'avoue qu'ils me font grande pitié. Ils ressemblent, à mon avis, à une personne qui, ayant une extrême soif et voulant aller boire à une fontaine qu'elle voit de loin, trouve des gens qui lui en disputent le passage à l'entrée, au milieu et à la fin du chemin. Car après avoir, avec beaucoup de peine, surmonté les premiers de ses ennemis, il se laisse surmonter par les seconds, aimant mieux mourir de soif que de combattre plus longtemps, pour boire d'une eau qui leur doit coûter si cher. La force leur manque, ils perdent courage, et ceux même qui en ont assez, pour vaincre les seconds de ses ennemis, se laissent vaincre par les troisièmes, quoiqu'ils ne fussent peut-être alors qu'à deux pas de cette source d'eau vive dont notre Seigneur dit à la Samaritaine, que ceux qui seront assez heureux que d'en boire n'auront plus jamais soif. De la contemplation aux raisons d'union. Oh, qu'il est bien vrai, comme l'a dit celui qui est la vérité même, que ceux qui boivent de l'eau de cette divine fontaine, ne sont plus altérés des choses de cette vie, mais seulement de celle de l'autre, dont leur soif est incomparablement plus grand que notre soif naturelle, ne saurait-nous le faire imaginer, car rien n'approche de la soif qu'ils ont d'avoir cette soif, parce qu'ils en connaissent le prix, et que quelque grand que soit la peine qu'elle cause, elle porte avec elle le remède qui la fait cesser. Tellement, que c'est une soif qui, en étouffant le désir des choses de la terre, rassasie l'amant regard de celle du ciel. Ainsi, quand Dieu lui fait cette grâce, l'une des plus grandes faveurs dont il puisse l'accompagner, est de la laisser toujours dans le même besoin, et encore plus grand, de recommencer à boire de cette eau merveilleuse et incomparable. entre les propriétés de l'eau, je me souviens qu'elle en a trois qui reviennent à mon sujet. La première est de rafraîchir, car il n'y a point de si grande chaleur qu'elle n'amortisse, et elle éteint même les plus grands feux, si ce ne sont des feux d'artifice, qu'elle ne fait au contraire qu'accroître. Oh, quelle merveille, mon Dieu, de voir qu'un feu, qui n'est point assujetti aux lois ordinaires de la nature, est une force si prodigieuse, que son contraire voulant l'éteindre, ne fait que l'augmenter davantage. J'aurais si grand besoin de savoir la philosophie pour pouvoir mieux m'expliquer par la connaissance qu'elle me donnerait de la propriété des choses, et j'y prendrais un grand plaisir, mais je ne sais comment le dire, et je ne sais peut-être pas même ce que je veux dire. Celle d'entre vous, mes sœurs, qui buvez dès à présent de cette eau, et celle à qui Dieu fera aussi la grâce d'en boire, entreront sans peine dans ces sentiments, et comprendront comme le véritable amour de Dieu, lorsqu'il est en sa force et dans une sainte liberté, qu'il élève au-dessus de toutes les choses de la terre, devient le maître des éléments. Ainsi, ne craignez point que l'eau qui ne tire son origine que d'ici-bas puisse éteindre ce feu de l'amour de Dieu. Car, bien qu'il soit opposé, cette eau n'a pas le pouvoir d'éteindre ce feu. Il demeure toujours absolu et indépendant, sans lui être assujetti, et, par conséquent, vous ne devez pas vous étonner, que j'ai un si grand désir de vous porter à acquérir cette sainte et heureuse liberté. N'est-ce pas une chose admirable, qu'une pauvre religieuse du monastère de Saint-Joseph puisse arriver jusqu'à dominer les éléments, et tout ce qui est dans le monde? Et quel sujet y a-t-il donc de s'étonner que les saints, avec l'assistance de Dieu, leur aient imposé telle loi qu'il leur a plu? C'est ainsi que l'eau et le feu obéissaient à Saint-Martin, les poissons et les oiseaux à Saint-François, et de même d'autres créatures à d'autres saints, que l'on a vu manifestement s'être rendu maître de toutes les choses de la terre en les méprisant, et en se soumettant entièrement à celui de qui toutes les créatures tiennent leur être. Ainsi, comme je l'ai dit, l'eau d'ici-bas ne peut rien contre ce feu. Ses flammes sont si élevées, qu'elles ne sauraient y éteindre, et comme il est tout céleste, il n'a garde de tirer sa naissance de la terre. Il y a d'autres feux qui, n'ayant pour principe qu'un assez faible amour de Dieu, sont étouffés par les moindres obstacles qu'ils rencontrent. Mais, quand mille tentations viendraient en foule, ainsi qu'une grande mer, pour éteindre celui dont je parle, non seulement il ne diminuerait rien de sa chaleur, mais il les dissiperait toutes et en demeurerait pleinement victorieux. Que si c'est une eau qui tombe du ciel, au lieu de lui nuire, elle ne fait que redoubler encore son ardeur. Car, tant s'en faut que cette eau céleste, et ce feu divin soient opposés, ils n'ont qu'une même origine. C'est pourquoi n'appréhendez pas, que ces deux éléments surnaturels se combattent. Ils se donneront plutôt l'un à l'autre de nouvelles forces. L'eau des véritables larmes, qui sont celles que la véritable raison produit, est un don du roi du ciel, qui augmente la chaleur et la durée de ce feu céleste, ainsi que ce même feu augmente la fraîcheur de ces précieuses larmes. Ô mon Seigneur et mon Dieu, n'est-ce pas une chose agréable et merveilleuse tout ensemble de voir un feu qui ne refroidit pas seulement, mais qui glace toutes les affections du monde, lorsqu'il est joint avec cette eau vive qui vient du ciel, qui est la source de ces larmes qui lui sont données, et qui n'est pas en notre puissance d'acquérir? Car il est certain que cette eau céleste ne laisse en nous nulle chaleur pour nous attacher d'affection à aucune chose de la terre. Son naturel est d'allumer toujours de plus en plus ce feu divin, et de le répandre, s'il était possible, dans le monde. La seconde propriété de l'eau, est de nettoyer ce qui est impur, et si l'on manquait d'eau pour cet usage, en quel état serait le monde? Or savez-vous bien que cette eau vive, cette eau céleste, cette eau claire dont je parle, nettoie de telle sorte les âmes lorsque, sans être troublée ni mêlée de quelque fange, elle tombe toute pure du ciel, que je tiens pour certain qu'une âme n'en saurait boire une seule fois sans être purifiée de toutes ses tâches, car, comme je l'ai dit ailleurs, cette eau qui n'est autre chose que notre union avec Dieu. étant toute surnaturelle et ne dépendant point de nous, il ne permet à quelques âmes d'en boire, que pour les purifier des souillures de leurs péchés, et les affranchir des misères, qui en étaient une suite malheureuse. Quant à ces autres douceurs que l'on reçoit par l'entremise de l'entendement, quelque grande qu'elle soit, elles sont communes aux qui n'étant pas puisées dans la source, mais courant sur la terre, trouvent toujours quelque limon qui l'arrête, et qui l'empêche d'être si clair et si pur. C'est pourquoi je ne donne point le nom d'eau vive à cette oraison à laquelle l'entendement a tant de part, parce que j'estime qu'en passant par l'esprit, qui est impur par lui-même, et par l'infection naturelle de ce corps vil et terrestre, elle contracte toujours quelque impureté, sans qu'il nous soit possible de l'éviter, ou, pour m'expliquer plus clairement, je dis que lorsque, pour mépriser le monde nous considérons ce que c'est. Et comme tout y finit, nous arrêtons, sans nous en apercevoir, notre pensée sur des choses qui nous y plaisent, et encore que nous désirions de les fuir, nous ne laissons pas de tomber dans quelque distraction en songeant ce que ce monde a été, ce qu'il sera, ce qui s'y est fait, ce qui s'y fera. Quelquefois même, en voulant penser à ce que nous devons faire pour sortir de ces embarras, nous nous y engageons encore davantage. Ce n'est pas que je veuille que pour cela on quitte le sujet de son oraison, mais il y a lieu de craindre de s'égarer, et il faut toujours être sur ses gardes. Au contraire, dans l'oraison d'union Dieu nous délivre de cette peine, il ne veut pas se fier à nous, mais prendre lui-même le soin de nous-mêmes. Il aime tellement notre âme, qu'il ne veut pas lui permettre de s'engager en des choses qui lui peuvent nuire dans le temps où il a dessein de la favoriser davantage. Ainsi il approche d'elle tout d'un coup, il la tient unie à lui, et lui fait voir en un instant plus de vérité, et lui donne une connaissance plus claire de toutes les choses du monde, qu'elle n'aurait pu en éclairir en plusieurs années par cette autre raison qui est moins parfaite, car, au lieu que dans le chemin que nous tenons d'ordinaire, la poussière nous aveugle et nous empêche d'avancer, ici notre Seigneur nous fait arriver. Sans retard à la fin nous tendons, et sans que nous puissions comprendre comme cela s'est fait. La troisième propriété de l'eau est d'éteindre notre soif, or, la soif, à mon avis, n'est que le désir d'une chose, dont nous avons un si grand besoin, que nous ne saurions sans mourir en être privés entièrement, et certes il est étrange que l'eau, soit d'une telle nature que son manquement nous donne la mort, et sa trop grande abondance nous ôte la vie, comme on le voit par ceux qui se noient. Ô mon Sauveur, qui serait si heureux que de se voir submergé dans cette eau vive jusqu'à y perdre la vie? Cela n'est pas impossible, parce que notre amour pour Dieu, et le désir de le posséder, peuvent croître jusqu'à un tel point, que notre corps ne pourra le supporter, et ainsi il y a eu des personnes, qui sont mortes de cette manière. J'en connais une à qui notre Seigneur, donnait une si grande abondance de cette eau, que s'il ne l'eût bientôt secouru, les ravissements où elle entrait l'auraient presque fait sortir d'elle-même, je dis qu'elle serait presque sortie d'elle-même, parce que l'extrême peine qu'elle avait de souffrir le monde la faisant presque mourir, il semblait qu'en même temps elle ressuscitait en Dieu dans un admirable repos. Et que sa divine majesté, en la ravissant en lui, la rendait capable d'un bonheur, dont elle n'aurait pu jouir sans perdre la vie, si elle fût demeurée en elle-même. On peut connaître, par ce que je viens de dire, que comme il ne saurait rien y avoir en Dieu, qui est notre souverain bien, qui ne soit parfait, il ne nous donne jamais rien aussi qui ne nous soit avantageux. Ainsi, quelque abondant que soit cette eau, elle ne peut être excessive, parce qu'il ne saurait y avoir d'excès en ce qui procède de lui. C'est pourquoi lorsqu'il donne de cette eau à une âme en fort grande quantité, il la rend capable d'en beaucoup boire, de même que celui qui fait un vase, le rend capable de recevoir ce qu'il veut y mettre. Lorsque le désir de jouir de ses faveurs vient de nous, il ne faut pas trouver étrange qu'il soit toujours accompagné de quelques défauts, et s'il s'y rencontre quelque chose de bon, nous le devons à l'assistance de notre Seigneur, car nos affections sont si déréglées, qu'à cause que cette peine est fort agréable, Nous croyons ne nous en pouvoir rassasier, ce qui fait qu'au lieu de modérer notre désir, nous nous y laissons emporter de telle sorte que quelquefois il nous tue. Oh, qu'une telle mort est heureuse, quoique peut-être ceux qui la souffrent eussent pu, en continuant de vivre, aider les autres à désirer de mourir ainsi. Pour moi, je crois que c'est le démon qui, voyant combien la vie de ces personnes peut lui apporter de dommages, les tente de ruiner ainsi entièrement leur santé par des pénitences indiscrètes. C'est pourquoi j'estime qu'une âme qui est arrivée jusqu'à se sentir embrasée d'une soif si violente, doit fort se tenir sur ses gardes, parce qu'elle a sujet de croire qu'elle tombera dans cette tentation, et que, quand bien même cette soif ne la tuerait pas, elle ruinerait entièrement sa santé, dont la défaillance paraîtrait, malgré elle, dans son extérieur, ce qu'il n'y a rien qu'on ne doive faire pour éviter. Il arrivera même quelquefois que tous nos soins n'empêcheront pas que l'on ne s'en aperçoive, et nous sommes obligés, au moins lorsque nous sentons l'impétuosité de ce désir s'accroître avec tant de violence, de ne pas l'augmenter encore par une application indiscrète. Au contraire, nous devons tâcher de l'arrêter doucement en nous attachant à méditer quelque autre sujet, parce qu'il peut arriver que notre naturel y contribue autant que notre amour pour Dieu, car il y a des personnes qui désirent avec ardeur tout ce qu'elles désirent, quand même il serait mauvais, et celles-là, à mon avis, ne sont pas des plus mortifiées, puisque la mortification, qui sert à tout, les devrait modérer dans ce désir. Il paraîtra peut-être qu'il y a de la rêverie à dire qu'il faut se détacher d'une chose qui est si bonne, mais je vous assure qu'il n'y en a point, car je ne prétends pas conseiller d'effacer ce désir de son esprit, mais seulement de le modérer par un autre qui pourra être encore meilleur. Il faut que je m'explique plus clairement. Il nous vient un grand désir de nous voir détachés de la prison de ce corps pour être avec Dieu, qui est le désir dont saint Paul est ainsi fortement possédé, et comme ce désir nous donne une peine qui, étant née d'une telle cause, est très agréable, il n'est pas besoin d'une petite mortification pour l'arrêter, et on ne le peut pas même entièrement. Elle passe quelquefois dans un tel excès, qu'elle va presque jusqu'à troubler le jugement. Ainsi je l'ai vu arriver il n'y a pas encore longtemps, à une personne qui, bien que violente de son naturel, est si accoutumée à renoncer à sa volonté, comme elle le témoigne en d'autres occasions, qu'il semble qu'elle n'en ait plus. On aurait cru que, durant ce moment, elle l'aurait perdue, tant la peine qu'elle souffrait était excessive, et tant l'effort qu'elle se faisait pour la dissimuler était grand. Sur quoi j'estime que, dans ces rencontres si extraordinaires, quoique cela procède de l'Esprit de Dieu, c'est une humilité fort louable que de craindre, parce que nous ne devons pas nous persuader d'avoir un si grand amour pour lui, qui soit capable de nous réduire à un tel état. Je dis donc encore que j'estimerais utile, si cette personne le peut, car peut-être ne le pourra-t-elle pas toujours, qu'elle renonce à ce désir qu'elle a de mourir, en considérant le peu de service qu'elle a jusqu'alors rendu à Dieu, qu'elle pourra lui plaire davantage en conservant sa vie qu'en la perdant, et qu'il veut peut-être se servir d'elle, pour ouvrir les yeux de quelque âme qui allait se perdre. Car, se rendant ainsi plus agréable à sa divine majesté, elle aura sujet d'espérer de la posséder un jour plus pleinement, qu'elle ne l'aurait fait si elle était morte à l'heure même. Ce remède me semble bon pour adoucir une peine si pressante, et on en tirera sans doute un grand avantage, puisque, pour servir Dieu fidèlement, il faut ici-bas porter sa croix. C'est comme si, pour consoler une personne fort affligée, on lui disait, « Prenez patience, abandonnez-vous à la conduite de Dieu, priez-le d'accomplir en vous sa volonté, et croyez que le plus sûr, est d'en user ainsi en toutes choses. Il peut se faire aussi que le démon contribue fort à augmenter la violence de ce désir de mourir, ainsi qu'il me semble que Cassien en rapporte l'exemple d'un ermite, dont la vie était très austère, à qui cet esprit malheureux persuada de se jeter dans un puits, disant qu'il enverrait plutôt Dieu. Sur quoi j'estime que la vie de ce solitaire n'avait pas été sainte, ni son humilité véritable, puisqu'autrement notre Seigneur étant aussi bon, et aussi fidèle dans ses promesses qu'il est, il n'aurait jamais permis qu'il se fût aveuglé de telle sorte dans une chose si claire, car il est évident qu'il n'aurait pas commis un tel crime, si ce désir fût venu de Dieu, qui ne nous inspire aucun mouvement, qui ne soit accompagné de lumière, de discrétion et de sagesse. Mais il n'y a point d'artifice, dont cet ennemi de notre salut ne se serve pour nous nuire, et comme il veille toujours pour nous attaquer, tenons-nous aussi toujours sur nos gardes pour nous défendre. Cet avis est utile en plusieurs rencontres, et particulièrement pour abréger le temps de l'oraison, quelques consolations que l'on y reçoive, lorsque l'on sent les forces du corps commencer à défaillir, ou que l'on a mal à la tête, car la discrétion est nécessaire en toutes choses. Or, pourquoi pensez-vous, mes filles, que j'ai voulu vous faire voir avant le combat quel en est le prix et la récompense, en vous parlant des avantages qui se trouvent à boire de l'eau si vive, et si pure de cette fontaine céleste? C'est afin que vous ne vous découragiez point par les travaux, et les contradictions qui se rencontrent dans le chemin qui vous y conduit, mais que vous marchiez avec courage, et sans craindre la lassitude, parce qu'il pourrait arriver, comme je l'ai dit, qu'étant venu jusqu'au bord de la fontaine, et ne restant plus qu'à vous baisser pour y boire, vous vous priveriez d'un si grand bien, et abandonneriez votre entreprise, en vous imaginant de n'avoir pas assez de force pour l'exécuter. Considérez que notre Seigneur nous y convie tous, et puisqu'il est la vérité même, pouvons-nous douter de la vérité de ses paroles? Si ce banquet n'était pas général, il ne nous y appellerait pas tous, et quand même il nous y appellerait, il ne dirait pas, « Je vous donnerai à boire ». Il pouvait se contenter de dire, « Venez tous, vous ne perdrez rien à me servir, et je donnerai à boire de cette eau à ceux, à qui il me plaira d'en donner. » Mais comme il a usé du mot « tous », sans y mettre cette condition, je tiens pour certain que cette eau vive, sera pour tous ceux qui ne se lasseront pas de marcher dans ce chemin. Je prie notre Seigneur de vouloir bien, par son extrême bonté, donner aux personnes à qui il la promet, la grâce de la chercher, et la manière qu'elle doit l'être. Chapitre 20. Qu'il y a divers chemins pour arriver à cette divine source de l'oraison, et qu'il ne faut jamais se décourager d'y marcher. Du zèle que l'on doit avoir pour le salut des âmes. En quel cas une religieuse peut témoigner de la tendresse dans l'amitié, et quels doivent être ses entretiens? De divers chemins pour arriver à l'oraison. Il semble que dans ce dernier chapitre, j'ai avancé quelque chose de contraire à ce que j'avais dit auparavant, lorsque, pour consoler celles qui n'arrivent que jusqu'à cette sorte d'oraison, j'ai ajouté qu'ainsi qu'il y a diverses demeures dans la maison de Dieu, il y a aussi divers chemins pour aller à lui. Mais je ne crains point d'assurer encore que, connaissant comme il faut notre faiblesse, il nous assiste par sa bonté. Il n'a pas néanmoins dit aux uns d'aller par un chemin, et aux autres d'aller par un autre, au contraire sa miséricorde, qui doit être louée éternellement, est si grande qu'il n'empêche personne d'aller boire dans cette fontaine de la vie. Autrement, avec combien de raisons m'en aurait-il empêché, et, puisqu'il a bien voulu me permettre de puiser jusqu'au fond de cette divine source, on peut assurer qu'il n'empêche personne d'y arriver, mais que plutôt il nous appelle à haute voix pour y aller, quoique sa bonté soit si grande, qu'il ne nous y force point. Il se contente de donner à boire de cette eau en diverses manières à ceux qui lui en demandent, afin que nul ne perde l'espérance, et ne se trouve en état de mourir de soif. Cette source est si abondante qu'il en sort divers ruisseaux, les uns grands, les autres moindres, et d'autres si petits, qu'il n'y a qu'un filet d'eau pour désaltérer ceux qui étant comme des enfants, n'en ont pas besoin davantage, et s'effraieraient d'en avoir en trop grande quantité. Ne craignez donc point, mes sœurs, de mourir de soif, l'eau des consolations ne manque jamais de telle sorte dans ce chemin, que l'on soit réduit à l'extrémité. Ainsi marchez toujours, combattez avec courage, et mourrez plutôt que d'abandonner votre entreprise, puisque vous n'avez embrassé une profession si sainte que pour avoir continuellement les armes à la main, et pour combattre. Que si vous demeurez ferme dans cette résolution, quoi que notre Seigneur permette, que vous souffriez de soif durant cette vie, assurez-vous qu'il vous rassasiera pleinement en l'autre de cette eau divine, sans pouvoir appréhender qu'elle vous manque jamais. Je le prie de tout mon cœur que ce ne soit pas plutôt nous qui lui manquions. Pour commencer donc à marcher de telle sorte dans ce chemin que l'on ne s'égare pas dès l'entrée, je veux parler de la manière dont nous devons commencer notre voyage, parce que cela est si important, qu'il y va de tout. Je ne dis pas que celui qui n'aura point la résolution dont je vais parler doive abandonner le dessein de s'y engager, parce que notre Seigneur le fortifiera, et quand il ne s'avancerait que d'un pas, ce pas est d'une telle conséquence, qu'il peut s'assurer d'en être fort bien récompensé. C'est comme un homme qui aurait un chapelet sur lequel on aurait appliqué des indulgences, s'il le dit une fois, il en profite, s'il le dit plusieurs fois, il en profite encore davantage, mais s'il ne le dit jamais, et se contente de le tenir dans une boîte, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne l'eût point. Ainsi, quoique cette personne ne continue pas de marcher dans ce chemin, le peu qu'elle y aura marché lui donnera lumière pour se mieux conduire dans les autres, et de même à proportion, si elle y marque, y davantage. Ainsi, elle se peut assurer qu'elle ne se trouvera jamais mal d'avoir commencé d'y entrer, encore qu'elle le quitte, parce que jamais le bien ne produit le mal. Du zèle pour le salut des âmes. Tâchez donc, mes filles, d'ôter la crainte de s'engager dans une si sainte entreprise à toutes les personnes avec qui vous communiquerez, si elles y ont de la disposition et quelque confiance en vous. Je vous demande, ô nom Dieu, que votre conversation soit telle, qu'elle ait toujours pour but le bien spirituel de ceux à qui vous parlez, car, puisque l'objet de votre raison doit être l'avancement des âmes dans la vertu, et que vous le devez sans cesse demander à Dieu, pourquoi donc ne tâcherions-nous pas de le procurer en toute manière? Si vous voulez passer pour bonne parente, c'est là le moyen de témoigner combien votre affection est véritable. Si vous voulez passer pour bonnes amies, vous ne sauriez aussi le faire connaître que par là, et si vous avez la vérité dans le cœur, ainsi que votre méditation l'y doit mettre, vous n'aurez pas peine à connaître, comme nous sommes obligés d'avoir de la charité pour notre prochain. Langage que doivent tenir les religieuses. Ce n'est plus le temps, mes sœurs, de s'amuser à des jeux d'enfants, tels que sont, ce me semble, ces amitiés que l'on voit d'ordinaire dans le monde, quoiqu'en elles-mêmes elles soient bonnes. Ainsi vous ne devez jamais employer ces paroles, m'aimez-vous donc bien, ne m'aimez-vous point, ni avec vos parents, ni avec nul autre, si ce n'est pour quelque fin importante, ou pour le bien spirituel de quelque personne, car il pourra se faire que, pour disposer quelqu'un de vos frères ou de vos proches, ou quelque autre personne semblable, à écouter une vérité et à en faire son profil. Il sera besoin d'user de ces témoignages d'amitié si agréables au sens, et même qu'une de ces paroles obligeantes, car c'est ainsi qu'on les nomme dans le monde, ferait un plus grand effet sur leur esprit que plusieurs autres, qui seraient purement selon le langage de Dieu, et qu'ensuite de cette disposition, elles les toucheront beaucoup plus qu'elles n'auraient fait sans cela. Ainsi, pourvu que l'on en use que dans cette vue, et dans ce dessein, je ne les désapprouve pas, mais autrement elles n'apporteraient aucun profit, et pourraient nuire sans que vous y prissiez garde. Les gens du monde ne savent-ils pas qu'étant religieuses, votre occupation est leur raison? Sur quoi gardez-vous bien de dire, je ne veux pas passer pour bonne dans leur esprit, puisque faisant, comme vous faites, partie de la communauté, tout le bien ou tout le mal qu'ils remarqueront en vous retombera aussi sur elles. C'est sans doute un grand mal que des personnes qui, étant religieuses, sont si particulièrement obligées à ne parler que de Dieu, s'imaginent de pouvoir avec raison dissimuler en de semblables occasions, à moins que ce ne fût pour quelque grand bien, ce qui n'arrive que très rarement. Ce doit être là votre manière d'agir, ce doit être votre langage. Que ceux qui voudront traiter avec vous l'apprennent donc, si bon leur semble, et s'ils ne le font, gardez-vous bien d'apprendre le leur, qui serait pour vous le chemin de l'enfer. Que s'ils vous regardent comme grossière et incivile, que vous importe qu'ils aient cette croyance, et moins encore s'ils vous prennent pour des hypocrites. Vous y gagnerez de m'être visité, que de ceux qui seront accoutumés à votre langage, car comment celui qui n'entendrait point, l'arabe pourrait-il prendre plaisir de parler beaucoup à un homme qui ne saurait nulle autre langue? Ainsi ils ne vous importuneront plus, ni ne vous causeront aucun préjudice, au lieu que vous en éprouveriez un fort grand de commencer à parler un autre langage, tout votre temps se consumerait à cela, et vous ne sauriez croire, comme moi qui l'ai éprouvé, quel est le mal qu'en reçoit une âme en voulant apprendre cette langue, on oublie l'autre, et on tombe dans une inquiétude continuelle, qu'il faut fuir sur toute chose. Parce que rien n'est plus nécessaire que la paix et la tranquillité de l'esprit pour entrer et marcher dans ce chemin, dont je commence à vous parler. Si ceux qui communiqueront avec vous veulent apprendre votre langue, comme ce n'est pas à vous à les en instruire, vous vous contenterez de leur représenter les grands avantages qu'ils pourront en recevoir, et vous ne vous lasserez point de les leur dire, mais avec piété, avec charité, et en y joignant vos oraisons, afin qu'ils en fassent profit, et que connaissant combien cela peut leur être utile, ils cherchent des maîtres capables de les en instruire. Ce ne serait pas sans doute, mes filles, une petite faveur que vous recevriez de Dieu, si vous pouviez faire ouvrir les yeux de l'âme à quelqu'un, pour le porter à désirer un si grand bien, mais lorsque l'on veut commencer à parler de ce chemin, que de choses se présentent à l'esprit, particulièrement quand c'est une personne qui a, comme moi, si mal fait son devoir d'y marcher. Dieu veuille, mes sœurs, me faire la grâce que mes paroles ne ressemblent pas à mes actions. Chapitre 21. Que dans le chemin de l'oraison, rien ne doit empêcher de marcher toujours. Méprisait-on les craintes qu'on vend donner des difficultés, et des périls qui s'y rencontrent. Que quelquefois une ou deux personnes suscitées de Dieu pour faire connaître la vérité, prévalent par-dessus plusieurs autres, unis ensemble pour l'obscurcir et pour la combattre. Qu'il faut marcher sans crainte dans le chemin de l'oraison. Que la quantité des choses auxquelles il faut penser pour entreprendre ce divin voyage, et entrer dans ce chemin royal qui conduit au ciel, ne vous étonne point, mes filles. Est-il étrange que, s'agissant d'acquérir un si grand trésor, il semble d'abord nous devoir coûter bien cher? Un temps viendra que nous connaîtrons, que tout le monde ensemble ne suffirait pas pour le payer. Pour revenir donc à la manière, dont doivent commencer ceux qui veulent entrer dans ce chemin, et marcher jusqu'à ce qu'ils arrivent à la source de cette eau de vie, pour en boire et pour s'en rassasier, je dis qu'il importe essentiellement d'avoir une ferme résolution de ne point s'arrêter qu'on ne soit à la fontaine, quelque difficulté qui arrive, quelque obstacle que l'on rencontre, quelque murmure que l'on entende, quelque peine que l'on souffre, quelque fortune que l'on court, quelque apparence qu'il y ait de ne pouvoir résister à tant de travaux, et enfin, quand on croirait devoir en mourir, et que tout le monde devrait s'abîmer. Car ce sont là les discours que l'on nous tient d'ordinaire, cette voie est toute pleine de périls, une telle s'est perdue dans ce voyage, celle-ci se trouva trompée, et cette autre, qui priait tant, n'a pas laissé de tomber, sait rendre la vertu méprisable, ce n'est pas une entreprise de femme sujette à des illusions, il faut qu'elle se contente de filer, sans s'amuser. Sert à chercher tant de délicatesse dans leur oraison, et le paternoster et l'ave, Maria, leur doivent suffire. Je demeure d'accord, mes sœurs, qu'ils doivent leur suffire, et pourquoi ne leur suffirait-il pas, puisqu'on ne saurait faillir en établissant son oraison sur celle qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ même? Ils ont sans doute raison, et si notre faiblesse n'était pas si grande, et notre dévotion si froide, nous n'aurions besoin ni d'autres oraisons, ni d'aucun livre pour nous instruire dans la prière. C'est pourquoi, puisque je parlais des personnes qui ne peuvent se recueillir en s'appliquant à méditer d'autres mystères, qui leur semblent trop subtils et trop raffinés, et qu'il y a des esprits si délicats que rien n'est capable de les contenter, j'estime à propos d'établir ici certains principes, certains moyens, et certaines intentions de raison, sans m'arrêter à des choses trop élevées. Ainsi on ne pourra pas vous ôter vos livres, puisque, pourvu que vous vous affectionniez à cela, et que vous soyez humble, vous n'aurez besoin de rien de plus. Je m'y suis toujours fort attaché, et les paroles de l'Évangile me font entrer dans un plus grand recueillement que les ouvrages les plus savants et les mieux écrits, principalement lorsque les auteurs ne sont pas fort approuvés, car alors il ne me prend jamais envie de les lire. Il faut donc que je m'approche de ce maître de la sagesse, et il m'enseignera peut-être quelques considérations, dont vous aurez sujet d'être satisfaite. Ce n'est pas que je prétende vous donner l'explication de ces oraisons divines, assez d'autres l'ont fait, et quand cela ne serait point, je ne serais pas si hardi que de l'entreprendre, sachant bien qu'il y aurait de la folie, mais je vous proposerai seulement quelques considérations sur les paroles du Pater Noster, la quantité de livres ne servant, ce me semble, qu'à faire perdre la dévotion, dont nous avons besoin dans cette divine prière. Car, ainsi qu'un maître qui affectionne son disciple tâche de faire, que ce qu'il lui montre lui plaise, afin qu'il l'apprenne plus facilement, qui doute que ce divin maître n'agisse de même envers nous? Moquez-vous donc de toutes ces craintes que le chemin qui conduit à la possession d'un si grand trésor étant tout plein de voleurs, qu'elle a l'apparence de prétendre pouvoir le passer sans péril? Les gens du monde souffriraient-ils, sans s'y opposer, qu'on leur enlevait leur trésor, eux qui, pour un intérêt de néant, passent sans dormir les nuits entières, et se tuent le cœur et l'âme? Si donc, lorsque vous allez pour acquérir, ou pour mieux dire, pour enlever ce trésor de force, suivant cette parole de notre Seigneur, que les violents le ravissent, si, lorsque vous y allez par ce chemin, qui est un chemin royal puisqu'il nous a été tracé par notre roi, et un chemin très assuré puisque c'est celui contenu tous les élus et tous les saints, on vous dit qu'il y a tant de périls à courir. Et l'on vous donne tant de craintes, quels doivent être les périls de ceux qui prétendent gagner ce trésor sans savoir le chemin qu'il faut tenir pour y arriver? Ô mes filles, qu'il est vrai qu'ils sont incomparablement plus grands que les autres, mais ils ne les connaîtront que lorsque, y étant tombés, ils ne trouveront personne qui leur donne la main pour se relever, et perdront ainsi toute espérance, non seulement de désaltérer leur soif dans cette source d'eau vive, mais de pouvoir en boire la moindre goutte, ou dans quelque ruisseau qui en sorte, ou dans quelque fossé ou quelque mare. Comment pourraient-ils donc continuer à marcher dans ce chemin, où ils se rencontrent tant d'ennemis à combattre, sans avoir bu une seule goutte de cette eau divine, et n'est-il pas certain qu'ils ne sauraient éviter de mourir de soif? Ainsi, mes filles, puisque, soit que nous le voulions ou ne le voulions pas, nous marchons toutes vers cette fontaine, quoiqu'en différentes manières, croyez-moi, ne vous laissez point tromper par ceux qui voudraient vous enseigner un autre chemin pour y aller que celui de l'oraison. Il ne s'agit pas maintenant de savoir, si cette oraison doit être mentale pour les uns, et vocale pour les autres, je dis seulement que vous avez besoin de toutes les deux. C'est là l'exercice des personnes religieuses, et quiconque vous dira qu'il y a du péril, considérez-le comme étant lui-même, par ce mauvais conseil qu'il vous donne, un si périlleux écueil pour vous, que, si vous ne l'évitez en le fuyant, il vous fera faire naufrage. Gravez, je vous prie, cet avis dans votre mémoire, puisque vous pourrez en avoir besoin. Le péril serait de manquer d'humilité, et de ne pas avoir les autres vertus, mais à Dieu ne plaise que l'on puisse jamais dire, qu'il y ait du péril dans le chemin de l'oraison. Il y a grand sujet de croire que ces frayeurs, sont une invention du diable, qui se sert de cet artifice pour faire tomber quelques âmes qui s'adonnent à l'oraison. Admirez, je vous prie, l'aveuglement des gens du monde, ils ne considèrent point cette foule incroyable de personnes qui, ne faisant jamais d'oraison et ne sachant pas même ce que c'est que de prier, sont tombés dans l'hérésie et dans tant d'autres horribles péchés, et si le démon, par ses tromperies et par un malheur déplorable, mais qui est très rare, fait tomber quelqu'un de ceux qui s'emploient à un si saint exercice, ils en prennent sujet de remplir de crainte l'esprit des autres, touchant la pratique de la vertu. En vérité, c'est une belle imagination à ceux qui se laissent ainsi abuser, de croire que pour se garantir du mal, il faut éviter de faire le bien, et je ne crois pas que jamais le diable se soit avisé d'un meilleur moyen pour nuire aux hommes. Oh mon Dieu, vous voyez comme on explique vos paroles à contresens. Défendez votre propre cause, et ne souffrez pas de telles faiblesses en des personnes consacrées à votre service, vous aurez toujours au moins cet avantage, mes sœurs, que votre divin époux ne permettra jamais, que vous manquiez de quelqu'un qui vous assiste dans une entreprise si sainte, et lorsqu'on le sert fidèlement, et qu'il donne la lumière qui peut conduire dans le véritable chemin, non seulement on n'est point arrêté par ses crainte que le démon tâche d'inspirer, mais on sent de plus en plus croître le désir de continuer à marcher avec courage, on voit venir le coup que cet esprit infernal veut nous porter, et on lui en porte un à lui-même, qui lui fait sentir plus de douleur que la perte de ce qu'il surmonte ne lui donne de plaisir et de joie. Lorsque dans un temps de trouble, cet ennemi de notre salut ayant semé la zizanie, semble entraîner tout le monde après lui, comme autant d'aveugles éblouis par l'apparence d'un bon zèle, s'il arrive que Dieu suscite quelqu'un qui leur fasse ouvrir les yeux et leur montre les ténèbres infernales qui, offusquant leur esprit, les empêchent d'apercevoir le chemin, n'est-ce pas une chose digne de son infinie bonté de faire que quelquefois un homme qui enseigne la vérité, prévaut sur plusieurs qui ne la connaissent pas? Ce fidèle serviteur commence peu à peu à leur découvrir le chemin de la vérité, et Dieu leur donne du courage pour le suivre. S'ils s'imaginent qu'il y a du péril dans l'oraison, ils tâchent de leur faire connaître, sinon par ses paroles, au moins par ses œuvres, combien l'oraison est avantageuse. S'ils disent qu'il n'est pas bon de communier souvent, il communie lui-même plus souvent qu'il n'avait accoutumé, pour leur faire voir le contraire. Ainsi, pourvu qu'il est un hôte qui suive sans crainte le bon chemin, notre Seigneur recouvrera peu à peu, par leurs moyens, les âmes qui étaient dans l'égarement. Renoncez donc, mes sœurs, à toutes ces craintes, méprisez ces opinions vulgaires, considérez que nous ne sommes pas, dans un temps où il faille ajouter foi à toutes sortes de personnes, mais seulement à celles qui conforment leur vie à la vie de Jésus-Christ. Tâchez de conserver toujours votre conscience pure, fortifiez-vous dans l'humilité, foulez aux pieds toutes les choses de la terre, demeurez inébranlable dans la foi de la Sainte Église, et ne doutez point après cela que vous ne soyez dans le bon chemin. Je le répète encore, renoncez à toutes ces craintes dans les choses où il n'y a nul sujet de craindre, et si quelques-uns tâchent de vous en donner, faites-leur connaître avec humilité quel est le chemin que vous tenez, dites-leur, comme il est vrai, que votre règle vous ordonne de prier sans cesse, que vous êtes obligé de la garder. Que s'il vous répond que cela s'entend de prier vocalement, demandez-leur s'il faut que l'esprit et le cœur soient attentifs aussi bien dans les prières vocales. Est-ce que dans les autres, et s'ils repartent que oui, comme ils ne sauraient ne point le faire, vous connaîtrez qu'ils sont contraints d'avouer, qu'en faisant bien l'oraison vocale, vous ne sauriez ne pas faire la mentale, et que vous pourrez passer même jusqu'à la contemplation, s'il plaît à Dieu de vous la donner. Qu'il soit béni éternellement. Chapitre 22. De l'oraison mentale. Qu'elle doit toujours être jointe à la vocale. Des perfections infinies de Dieu. Comparaison du mariage avec l'union de l'âme avec Dieu. De l'oraison mentale. Sachez, mes filles, que la différence de l'oraison ne doit pas se prendre de notre voix et de nos paroles, en sorte que lorsque nous parlons elle soit vocale, et lorsque nous nous taisons elle soit mentale, car si, en priant vocalement, je m'occupe tout à considérer que je parle à Dieu, si je me tiens en sa présence, Et si je suis plus attentive à cette considération qu'aux paroles mêmes que je prononce, c'est alors que l'oraison mentale est là. Vocale se trouve jointe, si ce n'est qu'on voulut nous faire croire que l'on parle à Dieu quand, en prononçant le pater, on pense au monde, auquel cas je n'ai rien à dire, mais, si en parlant à un si grand Seigneur, vous voulez lui parler avec le respect qui lui est dû, ne devez-vous pas considérer ce qu'il est et ce que vous êtes? Car, comment pourrez-vous parler à un roi, et lui donner le titre de majesté, ou comment pourrez-vous garder les cérémonies qui s'observent en parlant aux grands, si vous ignorez combien leur qualité est élevée au-dessus de la vôtre, puisque ces cérémonies dépendent ou de la différence des qualités, ou de la coutume et de l'usage? Il est donc nécessaire que vous en sachiez quelque chose, autrement vous serez renvoyés comme des personnes grossières, et ne pourrez traiter avec eux d'aucune affaire. Quelle ridicule ignorance serait-ce, ô Monseigneur, que celle-là! Quelle sotte simplicité serait-ce, ô mon souverain monarque, et comment pourrait-elle se souffrir? Vous êtes roi, ô mon Dieu, mais un roi tout-puissant et éternel, parce que vous ne tenez de personne, le royaume que vous possédez, et je n'entends presque jamais dire, dans le credo, que votre royaume n'aura point de fin, sans en ressentir une joie particulière. Je vous loue, mon Dieu, et je vous bénis toujours, parce que votre royaume durera toujours. Mais ne permettez pas, mon Sauveur, que cela puisse passer pour bon qui, lorsqu'il parle à vous, vous parle seulement avec les lèvres. Que pensez-vous dire, chrétien, quand vous dites qu'il n'est pas besoin de faire l'oraison mentale? Vous entendez-vous bien vous-même? Certes, je pense que non, et ainsi il semble que vous vouliez nous faire tous entrer dans vos rêveries, puisque vous ne savez ce que c'est que contemplation, ni qu'oraison mentale, ni comment on doit faire la vocale, car si vous le saviez, vous ne condamneriez pas en ceci ce que vous approuveriez ailleurs. C'est pourquoi, mes filles, je joindrai toujours, autant que je m'en souviendrai, l'oraison mentale avec la vocale, afin que ces personnes ne vous épouvantent pas par leurs vains discours. Je sais où peuvent vous mener ces pensées, et, comme j'en ai moi-même été assez inquiété, je souhaiterais que personne ne vous en inquiétât, parce qu'il est très dangereux de marcher dans ce chemin avec une défiance pleine de crainte. Il vous importe extrêmement, au contraire, d'être assuré que celui que vous tenez est fort bon, puisqu'autrement il vous arriverait, comme au voyageur à qui l'on dit qu'il s'est égaré, il tourne de tous côtés pour retrouver son chemin, et ne gagne à ce travail que de se lasser, de perdre du temps, et d'arriver beaucoup plus tard. Quelqu'un oserait-il soutenir que ce fut mal fait, avant que de commencer à dire ses heures, ou à réciter le rosaire, de penser à celui à qui nous allons parler, et de nous remettre devant les yeux, ce qu'il est et ce que nous sommes, afin de considérer de quelle sorte nous devons traiter avec lui? Cependant, mes sœurs, il est vrai que si l'on s'acquitte bien de ces deux choses, il se trouvera qu'avant de commencer l'oraison vocale, vous aurez employé quelque temps à la mentale. N'est-il pas certain que quand nous abordons un prince pour lui parler, ce doit être avec plus de préparation que pour parler à un paysan ou à quelque pauvre tel que nous sommes, puisque pour cela il n'importe de quelle sorte nous leur parlions? Je sais que l'humilité de ce roi est telle que, quoique je sois si rustique et que j'ignore comment il faut lui parler, il ne laisse pas de m'écouter et de me permettre d'approcher de lui. Je sais que les anges, qui sont comme ses gardes, ne me repoussent point pour m'en empêcher, parce que, connaissant la bonté de leur souverain, ils n'ignorent pas qu'il aime mieux la simplicité d'un petit berger, lorsqu'elle est accompagnée d'humilité, et connaît que, s'il en savait davantage, il en dirait davantage, que non pas la sublimité et l'élégance du raisonnement des plus habiles, lorsque cette vertu leur manque. Mais faut-il, parce qu'il est si bon, que nous soyons ainsi vils? Et quand il ne nous ferait point d'autre faveur, que de souffrir que nous nous approchions des eux lui, quoique étant si imparfaite, pourrions-nous trop tâcher de connaître quelle est sa grandeur et son adorable pureté? Il est vrai qu'il suffit de l'approcher pour savoir combien il est grand, comme il suffit de savoir la naissance, le bien et les dignités des princes du monde pour apprendre quel est l'honneur qui leur est dû, parce que ce sont ses conditions qui le règlent, et non pas le mérite de leur personne. Ô misérable et malheureux monde, vous ne sauriez, mes filles, trop louer Dieu de la grâce qu'il vous a faite de l'abandonner. Car quelle plus grande marque peut-il y avoir de son extrême corruption, que ce qu'au lieu de considérer les personnes par leur mérite, ou, ne les y considère que par les seuls avantages de la fortune, qui ne cesse pas plutôt que tous ses honneurs s'évanouissent. Cela me semble si ridicule que, lorsque vous vous assemblerez pour prendre quelque récréation, ce vous en pourra être un sujet assez utile que de considérer de quelle sorte les gens du monde, ainsi que de pauvres aveugles, passent leur vie. Des perfections infinies de Dieu. Ô mon souverain monarque, puissance infinie, immense bonté, suprême sagesse, principe sans principe, abîme de merveille, beauté source de beauté, force qui est la force même. Grand Dieu, dont les perfections sont également indéterminées et incompréhensibles, quand toute l'éloquence humaine et toute la connaissance d'ici-bas, qui ne sont en effet qu'ignorance, seraient jointes ensemble, comment pourrait-elle nous faire comprendre les moindres de tant de perfections, qu'il faudrait connaître pour savoir, en quelque sorte, quel est ce roi par excellence, qui fait seul tout notre bonheur et toute notre félicité, et qui n'est autre chose que vous-même? Lorsque vous vous approchez, mes filles, de cette éternelle majesté, si vous considérez attentivement à qui vous allez parler, et à qui vous parlez, le temps de 1000 vies telle qu'elle a nôtre ne suffirait pas, pour vous faire concevoir de quelle sorte il mérite d'être traité, lui devant qui les anges tremblent, lui qui commande partout, qui peut tout, et en qui le vouloir et les faits ne sont qu'une même chose. N'est-il donc pas raisonnable, mes filles, que nous nous réjouissions des grandeurs de notre époux, et que, considérant combien nous sommes heureuses d'être ses épouses, nous menions une vie, conforme à une condition si relevée? Mariage de l'âme avec Dieu. Hélas, mon Dieu, puisque dans le monde, lorsque quelqu'un recherche une fille, on commence par s'informer de sa qualité et de son bien, pourquoi nous, qui vous sommes déjà fiancés, ne nous informerions-nous pas de la condition de notre époux, avant que le mariage s'accomplisse, et que nous quittions tout pour le suivre? Si on le permet aux filles qui doivent épouser un homme mortel, nous refusera-t-on la liberté de nous informer, qui est cet homme immortel que nous prétendons d'avoir pour époux, quel est son père, quel est le pays où il veut nous emmener avec lui, quelle est sa qualité, quels sont les avantages qu'il nous promet, et surtout quelle est son humeur, afin d'y conformer la nôtre, et de nous efforcer de lui plaire en faisant tout ce que nous saurons lui être le plus agréable? On ne dit autre chose à une fille, sinon que, pour être heureuse dans son mariage, il faut qu'elle s'accommode à l'humeur de son mari, quand même il serait d'une condition beaucoup inférieure à la sienne. Et l'on veut, ô mon divin époux, que nous fassions moins pour vous contenter, et vous traitions avec un moindre respect que l'on ne traite les hommes. Mais quel droit ont-ils de se mêler de ce qui regarde vos épouses? Ce n'est pas à eux, c'est à vous seuls qu'elles doivent se rendre agréables, puisque c'est avec vous seuls qu'elles doivent passer leur vie. Quand un mari vit si bien avec sa femme et a tant d'affection, qu'il désire qu'elle lui tienne toujours compagnie, n'aurait-elle pas bonne grâce de ne pas daigner, pour lui plaire, entrer dans un sentiment si obligeant, elle qui doit mettre toute sa satisfaction dans l'amitié qu'il lui porte, et à laquelle elle doit répondre? C'est faire raison mentale, mes filles, de comprendre bien ces vérités. Que si vous voulez y ajouter aussi le raison vocale, à la bonne heure, vous le pouvez faire. Mais lorsque vous parlez à Dieu, ne pensez point à d'autres choses, car en user ainsi, ce n'est pas savoir ce que c'est que raison mentale. Je crois vous l'avoir assez expliqué, et je prie notre Seigneur qu'il nous fasse la grâce de le bien mettre en pratique. Chapitre 23. Trois raisons pour montrer que quand on commence à s'adonner à l'oraison, il faut avoir un ferme dessein de continuer. Des assistances que Dieu donne à ceux qui sont dans ce dessein. De la persévérance nécessaire dans l'oraison. Quand nous commençons à faire oraison, il importe tellement d'avoir un ferme dessein de continuer, que, pour ne pas trop m'étendre sur ce sujet, je me contenterai d'en rapporter deux ou trois raisons. La première est que Dieu nous étant si libéral, et nous comblant sans cesse de ses faveurs, quelle apparence y aurait-il que lorsque nous lui donnons ce petit soin de le prier, qui nous est si avantageux, nous ne le lui donnions pas avec une pleine et entière volonté, mais seulement comme une chose que l'on prête avec intention de la retirer? Cela ne pourrait, ce me semble, se nommer un don. Car si un ami redemande à son ami une chose qu'il lui a prêtée, ne l'attristera-t-il pas, principalement s'il en a besoin, et s'il la considérait déjà comme sienne? Que s'il se rencontre que celui qui a reçu ce prêt, est lui-même fort obligé auparavant son ami, et d'une manière très désintéressée, n'aura-t-il pas sujet de croire, qu'il n'a ni générosité ni affection pour lui, puisqu'il ne veut pas lui laisser ce qu'il lui va y prêter pour lui servir, comme d'un gage de son amitié? Quelle est l'épouse qui, en recevant de son époux quantité de pierreries de très grand prix, ne lui veuille pas au moins donner une bague, non pour sa valeur, puisqu'elle n'a rien qui ne soit à lui, mais comme une marque elle-même, jusqu'à la mort, sera tout à lui? Dieu mérite-t-il moins qu'un homme d'être respecté, pour oser ainsi nous moquer de lui, en lui donnant et en retirant alors même ce peu qu'on lui a donné? Si nous consumons tant de temps avec d'autres, qui ne nous en savent point de gré, donnons au moins de bon cœur, à notre immortel époux, ce peu de temps que nous nous résolvons de lui donner, donnons-le lui avec un esprit libre, et dégagé de toutes autres pensées, et redonnons-le lui avec une ferme résolution de ne vouloir jamais le reprendre, quelque contradiction, quelque peine et quelque sécheresse qui nous arrive. Considérons ce temps-là comme une chose qui n'est plus à nous, et qu'on nous pourrait redemander avec justice, si nous ne voulions pas le donner tout entier à Dieu. Je dis tout entier, parce que discontinuer durant un jour, ou même durant quelques jours pour des occupations nécessaires, ou pour quelque indisposition particulière, n'est pas vouloir reprendre ce que nous avons donné. Il suffit que notre intention demeure ferme, notre Seigneur n'est pas pointilleux, il ne s'arrête point aux petites choses, et ainsi il ne manquera pas de reconnaître votre bonne volonté, puisque vous lui donnez, en la lui donnant, tout ce qui est en votre pouvoir. L'autre manière d'agir, quoique moins parfaite, est bonne pour ceux qui ne sont pas naturellement libéraux. Car c'est beaucoup que, n'ayant pas la masse noble pour donner, ils se résolvent au moins de me prêter. Enfin, il faut faire quelque chose. Dieu est si bon qu'il prend tout en paiement, il s'accommode à notre faiblesse, il ne nous traite point avec rigueur dans le compte que nous avons à lui rendre. Quelque grand que soit notre dette, il se résout sans peine à nous la remettre pour nous gagner à lui, et il remarque si exactement nos moindres services, que quand vous ne feriez que lever les yeux au ciel en vous souvenant de lui, vous ne devez point appréhender qu'il laisse cette action sans récompense. La seconde raison est que, quand le diable nous trouve dans cette ferme résolution, il lui est beaucoup plus difficile de nous tenter. Car il ne craint rien tant que les âmes fortes et résolues, sachant par expérience le dommage qu'elles lui causent, et que ce qu'il fait pour leur nuire tournant à leur profit et à l'avantage de beaucoup d'autres, il ne sort qu'avec perte de ce combat. Nous ne devons pas néanmoins nous y confier de telle sorte que nous tombions dans la négligence. Nous avons affaire à des ennemis très artificieux et fort traîtres, et comme, d'un côté, leur lâcheté les empêche d'attaquer ceux qui se tiennent sur leur garde, leur malice leur donne, de l'autre, un très grand avantage sur les négligents. Ainsi, quand ils remarquent de l'inconstance dans une âme, et voient qu'elle n'a pas une volonté déterminée de persévérer dans le bien, ils ne la laissent jamais en repos, il agit de mille craintes et lui représente des difficultés sans nombre. J'en puis parler avec trop de certitude. Parce que je ne l'ai que trop éprouvé, et j'ajoute qu'à peine sait-on de quelle importance est cet avis. La troisième raison qui rend cette ferme résolution très avantageuse, c'est que l'on combat avec beaucoup plus de courage, lorsque l'on s'est mis dans l'esprit que, quoi qu'il puisse arriver, on ne doit jamais tourner le dos. C'est comme un homme qui, dans une bataille, serait assuré qu'étant vaincu, il ne pourrait espérer aucune grâce du victorieux, et qu'ainsi, ou durant ou après le combat, il se faudrait résoudre à mourir. Il combattrait sans doute avec beaucoup plus d'opiniâtreté et vendrait chèrement sa vie, parce qu'il se représenterait toujours, qu'il ne la peut conserver que par la vie de poire. Il est de même nécessaire que nous entrions dans ce combat avec cette ferme créance, qu'à moins de nous laisser vaincre, notre entreprise nous réussira heureusement, et que, pour peu que nous gagnions en cette occasion, nous en sortirons très riches. Ne craignez donc point que notre Seigneur vous laisse mourir de soif en vous refusant de l'eau de cette sacrée fontaine de l'oraison, au contraire, il vous invite à en boire. Je l'ai déjà dit, et je ne puis me lasser de le dire, parce que rien ne décourage tant les âmes que de ne pas connaître pleinement, par leur propre expérience, quelle est la bonté de Dieu, comme elles le connaissent par la foi. Car c'est une chose merveilleuse, que d'éprouver quelles sont les faveurs qu'il a faites à ceux qui marchent par ce chemin, et de quelle sorte lui seul pourvoit presque à tout ce qui leur est nécessaire. Mais je ne m'étonne pas de voir, que les personnes qui ne l'ont point éprouvé, veulent avoir quelque assurance, que Dieu leur rendra avec usure ce qu'elles lui donnent. Vous savez bien néanmoins que Jésus-Christ promet le centuple dès cette vie, et qu'il dit, demandez et vous recevrez. Que si vous n'ajoutez pas foi à ce qu'il dit lui-même dans son évangile, à quoi peut me servir, mes sœurs, de me rompre la tête à vous? Est-ce le dire? Je ne laisse pas d'avertir celles qui en doutent, qu'il ne leur coûtera guère de l'éprouver, puisqu'il y a cet avantage dans ce voyage, qu'on nous y donne plus que nous ne saurions demander ni désirer. Je sais qu'il n'y a rien de plus véritable, et je puis produire pour témoin, qui l'assureront aussi bien que moi, celle d'entre vous à qui Dieu a fait la grâce de le connaître par expérience.